tu ne me vois pas. You know I love you. Tu sais, je t'aime. Je suis l'ami, le bon copain, celui qui comprend tout. You know I love you. Tu sais, je t'aime. Mais souvent j'ai serré les poings. Aujourd'hui je l'avoue. You know I love you. Et tu dis, tu sais, je t'aime. Notre amour a commencé un dimanche après-midi. J'ai commandé en pensée le coup de foudre. C'était dans un pub anglais et j'en suis encore surpris. Toi, tu t'amusais, moi j'attends. I love you.